Chapitre 1 du livre 7e des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre 7e, parenthèse, chapitre 1. Le couvent, idée abstraite. Ce livre est un drame dont le premier personnage est l'infini. L'homme est le second. Cela étant, comme un couvent s'est trouvé sur notre chemin, nous avons dû y pénétrer. Pourquoi ? C'est que le couvent, qui est propre à l'Orient comme à l'Occident, à l'Antiquité comme au temps moderne, au paganisme, au bouddhisme, au mahométisme, comme au christianisme, est un des appareils d'optique appliqués par l'homme sur l'infini. Ce n'est point ici le lieu de développer hors de mesure de certaines idées. Cependant, tout en maintenant absolument nos réserves, nos restrictions, et même nos indignations, nous devons le dire, toutes les fois que nous rencontrons dans l'homme l'infini, bien ou mal compris, nous nous sentons pris de respect. Il y a dans la synagogue, dans la mosquée, dans la pagode, dans le wigwam, un côté hideux que nous exécrons, et un côté sublime que nous adorons. Quelle contemplation pour l'esprit, et quelle rêverie sans fond ! La réverbération de Dieu sur le mur humain. Fin du chapitre 1 du livre 7e, enregistré par Nathine Kurt-Boulet à Copenhague en août 2010.